L'actualité des sciences, les aventuriers avec vous, Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On commence avec le sourire, on le fait chaque matin, mais ce sourire est particulièrement important quand on est devant une chèvre. Oui, car une récente étude révèle que les chèvres peuvent distinguer les expressions faciales humaines. L'intelligence des chèvres serait comparable à celle des chiens. Des chercheurs de l'université de São Paulo au Brésil viennent même de découvrir qu'elles peuvent lire sur nos visages. Les scientifiques ont étudié les comportements de 35 chèvres à qui on a proposé des friandises devant des photos de visages souriants ou grimaçants. Les chèvres préféraient presque toujours s'orienter vers le visage souriant. Les chèvres réagissent donc à certaines expressions comme la colère ou le bonheur. Si vous voulez entrer en contact avec une chèvre, souriez. Eh bien, on va sourire et avec plaisir. Voici maintenant un argument supplémentaire pour prendre plus de vacances. Oui, car les vacances feraient vivre plus longtemps. Selon une étude finlandaise qui s'est étalée sur 40 ans, le manque de vacances est dangereux même si on a adopté un mode de vie très sain. Cette étude a été présentée lors d'un congrès à Munich à la fin du mois d'août. En 1974, ont été recrutés 1222 hommes en bonne santé nés entre 1919 et 1934, mais avec un facteur de risque cardiovasculaire. Ils ont été séparés en deux groupes. Une moitié a été très suivie. On les a incités à faire du sport et à manger sain, et leur risque de maladie cardiovasculaire a baissé. Mais au bout d'une quinzaine d'années, bizarrement, il y avait plus de décès dans ce groupe. Les chercheurs se sont alors rendus compte que c'était la durée des vacances qui était liée au risque de décès. Les hommes avec des vacances plus courtes travaillaient plus et dormaient moins. Et vous, vos prochaines vacances, c'est pour quand ? Dans trop longtemps, évidemment. Vive les vacances. Les vacances, pourquoi pas dans la nature et avec des coccinelles. Je dis ça parce que les scientifiques ont compris l'origine des points noirs ou colorés chez les coccinelles. Ouais, c'est joli, une coccinelle, ouais. Eric, mais d'où viennent ces motifs ? On a tous cru un jour que le nombre de points sur une coccinelle indiquait l'âge de l'insecte. Oubliez ça, il ne s'agit que d'une légende. Des chercheurs de l'INRA et du CNRS ont identifié les variations génétiques responsables des différents motifs des coccinelles. Certaines coccinelles ont des ailes noires avec deux gros points rouges. D'autres sont décorées d'une douzaine de petits points. À l'inverse, certaines coccinelles sont rouges avec des points noirs. Il y a plus de 200 formes de coloration à travers le monde. Et c'est un gène qui est à l'origine de ces motifs. Des variations d'activation d'un seul gène peuvent générer une très grande diversité de motifs colorés. Allez, dans un autre genre, Fabienne, on termine avec une appli reconnue comme moyen de contraception. Ça se passe aux États-Unis. L'autorité de santé américaine vient de reconnaître une application smartphone comme contraceptif. Elle serait plus efficace que la pilule ou le préservatif. Les États-Unis ont autorisé l'application Natural Cycles, cycle naturel en français, à faire de la publicité en tant que moyen de contraception, au même titre que la pilule ou le préservatif. Les États-Unis se sont basés sur une étude clinique portant sur plus de 15 000 femmes ayant utilisé l'application pendant 8 mois. Il en ressort un taux d'échec d'à peine 1,8%, bien meilleur que les autres formes de contraception. Il paraît que l'algorithme utilisé pour calculer les jours d'ovulation est aussi précis qu'une échographie. Natural Cycles est basé sur le fait que la température du corps augmente de quelques dixièmes de degrés après l'ovulation. Journée verte, on peut avoir un rapport sexuel. Journée rouge, il faut employer un moyen de contraception ou s'abstenir. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises ? Voilà. Les inconnus dans la parodie de Tournée Manège, émission culte, Patricia, entre 1985. Ah, je peux le voir, mais 500 000 fois, ça me fait toujours autant rire. 1985-1993. Merci Fabienne Chauvière, c'était les Saventuriers.